40 nuits viennent de passer, le jour se lève. C'est garanti que je vais m'embrasser du bout des lèvres. Et quand j'étais adolescent, je croyais pas d'où vient, on a mis l'espoir de meilleur monde à l'état. Mais l'état nous a mis à l'écart. On a rêvé du paradis, mais nos parents disaient n'y allez pas. Notre ciel c'était le purgatoire. Tu me parles d'espoir, mais t'en as plus, regarde-toi. C'est pour ça que je prie Dieu avec mes acapellas. Papa aide-moi, je cours de cash, un œuf comme un bac, si c'est là. Fais-moi signe comme un malentendant. Un bébé pleure, est-ce que c'est parce que sa mère vient de mal en enfantant? Pareil qu'on est né pêcheur, que l'enfer est sur terre. Je suis l'aîné de mes soeurs, frère avec un grand S. Fuck the world, n'est pas la peur, c'est pas la peine de paniquer. T'es pas paraplégique, papa, t'es paniqué. Père, mère, frère, soeur, car tu m'as donné ton bon dans le lait. Tant aimé, frère, frère, frère, soeur, frère, tu sais la vie va te laisser. Soeur, je serai là pour t'appuyer. Petit, t'as grandi si vite. Automne passé, regarde-toi, un très grand bonhomme cadenassé. Dans un tout petit ange, magnifique grand, j'ai dire céleste. Oui, ton sourire qui n'a jamais retourné sa peste. Petit frère, la tête haute et ce même durant les orages. Qu'importe, je serai là pour t'aider à tourner la page. Pardonne ma dureté sporadique, mais je veux te voir si haut. Prince qui n'a d'innocence, qui jappe dans ses silos. Petit frère, la rue, ce dont le rêve a coupé les mains. Mais quand la porte se referme, l'étoile, non, il n'en reste rien. Parfois je pense à leur manigance des foyers, noyés dans leur stupide utopisme émaillé. Petit frère, je te l'avoue, ça sera dur d'or et dire que jamais aucun espoir dans ta murmure ne meurt. Ton sourire est si pur, je t'aime et suis fier de toi. Quoi qu'il arrive, tu es et tu resteras un roi. Ce texte je te dédicace, tu as fait tant pour moi, sans prétexte, je t'embrasse. Aucune fortune, tu me surprends car tu l'assumes. Le passé reste présent, dans le futur n'est pas de rancune. Tu vois, j'ai pas mordu à l'hameçon. J'grandis, j'prends attention à tes leçons. J'étudie, toujours en quête d'information. Ma vie l'école pour m'gabre en position. La vie passe très vite, ça je peux moins l'apercevoir. Tu me dis d'être travaillé, maintenant je suis prêt à accomplir mes devoirs. Le nouveau regard, c'est mon actuel. Système compréhensif sous un regard intellectuel. Si je t'écris, c'est pour te dire que tu as fait ta part. Tu m'as nourri de tes principes, tes connaissances, tes intérêts, de tes goûts, de tes valeurs et surtout de ton regard. Je vole de mes propres ailes, merci pour le point de départ. Père, père, père, soeur, père, tu m'as donné ton bon dans le lait. Mère, tu m'as entendu aimer. Père, père, père, soeur, père, tu sais la vie va te blesser. Aimer nos sentiments, c'est que ça m'a fait qu'on puisse être écouté. Être écouté. Si nos liens partagent des frustrations, parfois c'est pas que notre amitié est consignée. Est consignée. On ne fait que prendre des forces ici. On grandit dans la vie, chaque jour on mûrit. Mûrit. Mais l'important c'est qu'on reconnaisse les membres qui nous apprécient tel qu'on est. Tel qu'on est.